Afrique, Afrique, oui Afrique, où résonne le tam-tam de la liberté. Liberté, liberté, oui liberté, liberté au pays d'Afrique. Liberté, liberté, oui liberté, liberté au pays d'Afrique. Emery, Emery, oui Emery, au mouvement héros national. Emery, Emery, oui Emery. Matouba, héros national. André, oui André, Matouba, héros national. André Matouba, héros national. André, oui André, Matouba, héros national. Barthélémy Boganda, héros national. Barthélémy, oui Barthélémy. Boganda, héros national. Barthélémy, Barthélémy, oh oui, Barthélémy.